Chapitre 41e, le docteur Thorne refuse d'intervenir. On eût dit qu'une espèce de trêve avait été conclue entre le squire Gresham et Lady Arabella. Les choses en étaient arrivées au point que ni l'un ni l'autre ne se sentait le courage de recommencer les hostilités. D'ailleurs, ils étaient étrangement d'accord sur un point qui leur tenait également à cœur, le mariage de leur fils unique. On doit aussi se rappeler que Lady Arabella avait remporté un avantage signalé en détrônant M. Yates Umbleby et en le remplaçant par M. Gazby. Mais le squire n'en avait pas remporté un moins grand en se débarrassant du docteur Filgrave et en réinstallant le docteur Thorne au manoir. Les pertes des belligérants avaient donc été égales et des deux côtés on visait au même but. Il faut aussi constater que le goût de Lady Arabella pour les grandeurs mondaines était sur son déclin. Le malheur la frappait de trop près pour lui laisser le loisir de regretter les plaisirs de la saison de Londres. Quand sa fille aînée avait dû épouser un homme riche et membre du Parlement, elle n'avait pas hésité à demander un millier de livres pour faire face aux dépenses extraordinaires et inévitables en pareille occasion. Mais cette fois, Béatrice allait épouser un recteur de paroisse et ce mariage modeste était considéré comme un événement heureux. Lady Arabella n'était donc plus disposée à songer aux splendeurs. « Plus nous ferons les choses modestement, mieux cela vaudra », écrivait-elle à sa noble belle-sœur. M. Gresham voulait donner à Béatrice 1000 livres sterling au moins, mais M. Gazby m'a dit en confidence que cela lui serait littéralement impossible en ce moment. « Ah, ma chère Rosina, que les affaires ont été mal administrées. Si une ou deux de vos filles veulent bien venir pour le mariage, nous en serons reconnaissants. » Béatrice trouverait cela on ne peut plus aimable de leur part. Je n'ose naturellement pas vous prier de venir, vous ou Amelia. » Lady Amelia occupait un rang éminent dans la famille des de Courcy. Elle était presque sur un pied d'égalité avec sa mère et sous quelque rapport supérieur à la comtesse elle-même. Il va sans dire qu'il n'était pas encore question de la charmante maison de campagne du comté de Surrey. Telle était, pour le moment, l'humble disposition d'esprit de la maîtresse du manoir. On ne s'étonna donc pas de la voir joindre ses efforts à ceux de son mari pour sauver leur fils unique. Lady Arabella essaya d'abord de faire comprendre au squire qu'il était de son devoir de parler d'une manière péremptoire et sévère à son fils. « Faites ce que font d'autres pères en pareil cas, lui dit-elle, faites-lui comprendre qu'il n'aura aucune pension pour vivre. » « Il le comprend parfaitement déjà, dit le squire. « Alors menacez de le déshériter, dit Lady Arabella avec vivacité. « Il me serait difficile de le déshériter de ce qu'il n'est pas en mon pouvoir de lui donner, » dit le squire avec amertume. Lady Arabella s'aperçut bien vite elle-même que la sévérité ne réussirait guère. Ainsi que l'avouait M. Gresham, ses torts envers son fils ne lui permettaient pas d'user de rigueur envers lui. D'ailleurs, M. Gresham n'était pas homme à se montrer sévère pour un fils dont la conduite avait toujours été aussi bonne que celle de Frank. Ce mariage était, selon lui, un malheur qu'il fallait prévenir. Mais quant à Frank lui-même, son amour pour Mary devait plutôt être considéré comme une monomanie que comme un crime. « J'étais si sûr qu'il réussirait avec Miss Dunstable, » dit la mère presque en pleurant. « Je croyais qu'il était impossible à son âge qu'une année de pérégrination dans le monde ne le guérit pas de sa passion, » dit le père. « Je n'ai jamais vu un garçon aussi obstiné, » dit Lady Arabella. « Pour sûr, il ne tient pas cela des de Courcy. Mais de quoi donc vivront-ils ? » ?»« Je me demande si de Courcy ne pourrait pas le placer dans quelque ambassade, » dit le père. « Il parle d'embrasser une profession. Comment ? Avec cette fille ?» s'écria Lady Arabella, alarmée à la pensée qu'un semblable appel pourrait être fait à son noble frère. « Non, avant son mariage, cela serait un moyen de l'en détourner. »« Rien ne l'en détournera, » dit la mère, « rien. »« Pour ma part, je le crois possédé du démon. Pourquoi a-t-elle été amenée ici ? Mon Dieu, pourquoi a-t-elle jamais mis les pieds dans cette maison ?» M. Gresham ne jugea pas nécessaire de répondre à cette dernière question. « Le mal est fait. » dit-il, et il serait superflu de discuter. Je parlerai au docteur lui-même. Cela ne servira absolument à rien. Il ne nous secondera pas. Je crois au contraire que tout cela est son ouvrage. Quelle folie, cher ami. Très bien, monsieur Gresham, je ne dis que des folies. Je le sais. Et cependant, voyez comme les choses ont tourné. J'ai prévu ce qu'il en résulterait dès qu'elle a été introduite dans la maison. Cette assertion était passablement exagérée de la part de Lady Arabella. « Vous avez simplement tort de dire que Frank est amoureux d'elle d'après l'ordre du docteur. »« Vous savez très bien que je ne veux pas dire cela. Mais le docteur Thorne connaissait Frank, et sachant combien il est facile... Je ne trouve pas qu'il soit facile du tout, ma chère. Très bien, qu'il en soit comme vous voudrez. Je ne dirai plus un mot. Je fais de mon mieux, et tout le monde est contre moi. Dieu sait si je suis dans un état de santé à le supporter. » Et Lady Arabella cacha son visage dans son mouchoir. « Je crois, ma chère amie, que si vous alliez voir Mary vous-même, il pourrait en résulter quelque bien, » dit le squire quand l'émotion de sa femme se fut un peu apaisée. « Comment ? Aller voir cette fille ? » ?»« Oui, vous pouvez l'en faire prévenir par Béatrice. Elle n'a jamais été déraisonnable et je ne pense pas qu'elle le serait avec vous. Vous lui diriez. « Oh, je saurais très bien que lui dire, monsieur Gresham. » « Oui, ma chère, j'en suis sûr. Personne ne le saurait mieux que vous, mais je crois que si vous voulez obtenir quelque chose de Mary, il faut être aimable avec elle. Mary Thorne a un caractère que vous ne pouvez pas plier à votre gré. Vous pourrez peut-être la guider, mais jamais la forcer. » Comme ce plan émanait de son mari, Lady Arabella ne pouvait naturellement pas admettre qu'il fût bon. Cependant, elle se décida à en essayer, tout en se disant que s'il en résultait quelque bien, il serait dû à son habile diplomatie. Il fut donc convenu que le squire userait de toute son éloquence auprès du docteur et qu'elle en ferait de même auprès de Mary. « Puis je parlerai à Frank, » dit Lady Arabella. « Jusqu'à présent, il n'a pas encore eu l'audace de me parler de Mary, quoiqu'il déclare ouvertement son amour à tout le monde dans la maison. »« Et je prierai Auriel de lui parler, » dit le squire. « Je crois que patience pourrait encore mieux nous servir. J'ai cru un moment qu'il deviendrait amoureux d'elle et j'en étais si malheureuse. » Hélas, j'en serais presque contente aujourd'hui. » On peut supposer que le squire éprouvait beaucoup moins de répugnance que sa femme à parler de cette affaire au docteur, et que son rôle, dans leur mutuelle entreprise, était beaucoup moins difficile que celui de Lady Arabella. Cependant, il se sentit fort embarrassé quand, sa canne à la main, il se dirigea vers la porte du parc qui conduisait à la maison de son ami. Cet embarras finit par le dominer à un tel point qu'il revint un instant sur ses pas et se mit à réfléchir à ce qu'il allait faire. Il semblait que son sort dût toujours dépendre de la clémence ou de la considération du docteur Thorne. En ce moment, le docteur opposait le seul obstacle qui retardait la vente d'une grande partie de sa propriété. Sir Louis, par l'entremise d'un homme de loi, pressait le docteur de faire vendre, et l'homme de loi accusait le docteur de temporiser. « Il a l'administration de votre fortune, » avait dit M. Finney à Sir Louis, « mais il l'administre en vue des intérêts de son ami. C'est évident, et nous signalerons sa conduite. » Le squire n'ignorait rien de tout cela. En arrivant chez le docteur, il trouva Mary toute seule dans le salon. Il avait toujours eu l'habitude de la baiser au front toutes les fois qu'il la rencontrait chez lui. Elle était plus jeune alors, mais elle n'en était pas moins toujours une enfant pour lui, et il l'embrassa comme autrefois. Elle rougit légèrement, le regarda en face et lui dit « Oh, monsieur Gresham, je suis si heureuse de vous revoir ici. » En la regardant plus attentivement, il ne put s'empêcher de reconnaître qu'il était tout naturel que Frank l'aimât. Il n'avait jamais remarqué auparavant combien elle était attrayante. Elle avait grandi sous ses yeux et il n'avait jamais songé à se former une opinion à cet égard. Aujourd'hui, il voyait devant lui une femme à la physionomie expressive, dont les yeux rayonnaient d'intelligence et dont le sourire même était éloquent. Pouvait-il s'étonner que Franz se fût laissé aller à l'aimer? Il manquait à Miss Thorne un attribut que plusieurs personnes considèrent comme essentiel à la beauté chez les femmes. Elle n'avait ni le teint transparent et rose de la blonde, ni la vive carnation de la brunette, mais il y avait dans le jeu de sa physionomie une grâce touchante et une expression dont le squire remarqua pour la première fois tout le charme. « Vous êtes très bien, Mary, » lui dit-il presque involontairement. « Vraiment ? » dit-elle. « Un pareil compliment est toujours agréable. Mon oncle ne m'en fait jamais. » Elle était très bien, en effet. Elle avait beau se répéter du matin au soir que l'amour de Frank était un grand malheur pour elle, elle n'en était pas moins heureuse. Qu'est-ce qui contribue plus à embellir la femme que le bonheur et la certitude d'être aimée en dépit de tous les obstacles ? Le docteur entra dans le salon. Il n'était pas sorti, s'attendant à la visite du squire. « Je suppose que je dois m'en aller, » dit Mary, « car vous allez parler affaires, je le sais. Mais mon oncle, M. Gresham, dit que je suis très bien. Comment se fait-il que vous n'ayez jamais découvert cela ?»« C'est une charmante fille, » dit M. Gresham, lorsqu'elle fut sortie. « Une bonne, une excellente fille. » Et le docteur ne put s'empêcher de voir que les yeux du squire étaient remplis de larmes. « Oui, dit-il tranquillement. Ils s'assirent en silence, comme si chacun d'eux eût attendu ce que l'autre avait à dire de plus sur ce sujet. Le docteur, pour sa part, n'avait plus rien à en dire. « Je suis venu exprès pour vous parler d'elle, » dit enfin le squire. « Pour me parler de Marie ?»« Oui, docteur, d'elle et de Franck. Il est nécessaire de prendre un parti, de faire quelque arrangement, sinon pour notre bien, du moins pour le leur. »« Quel arrangement, squire ?»« Ah, voilà la question. » Je suis bien sûr que l'un ou l'autre vous aura dit qu'ils se sont promis de s'épouser. Franck me l'a dit, il y a un an. Et Mary ne vous l'a pas dit? Pas positivement, mais n'importe. Elle n'a, je crois, aucun secret pour moi. Quoique je lui en ai à peine parlé, je crois tout savoir. Eh bien, alors? Le docteur hocha la tête et leva les mains. Il n'avait rien à dire, aucune proposition à faire, aucun arrangement à suggérer. Les choses en étaient ainsi, et il semblait dire que pour ce qu'il concernait, l'affaire était terminée. Le squire le regardait d'un air étonné, et ne savait comment continuer la conversation. Il lui semblait que l'amour de Franck et de Marie n'était pas une chose qu'on pût laisser s'arranger d'elle-même, vu la position de chacun d'eux. Mais le docteur paraissait avoir une opinion différente. « Docteur Thorne, » dit-il enfin. « Il n'y a personne au monde qui connaisse aussi bien que vous l'état de mes affaires, et par conséquent celle de Franck. Pensez-vous donc qu'un pareil mariage soit possible ?»« Possible, oui, il est possible. Vous voulez dire, est-il prudent ?»« Soit, comme vous voudrez. Eh bien, ce mariage ne serait-il pas très imprudent ?»« Il le serait certainement à présent. Je n'en ai jamais parlé ni à l'un ni à l'autre, mais je présume qu'il n'y pense pas pour le moment. »« Mais, docteur, » Le squire était stupéfait du sang-froid du docteur. Après tout, lui, le squire, était M. Gresham de Greshamsbury, considéré généralement comme un des plus grands personnages du comté. Franck était son héritier, et il serait à son tour M. Gresham de Greshamsbury. Quelque grevé que fût le domaine, il en resterait toujours quelque chose, et dans tous les cas, le rang de la famille serait toujours le même. Mais quant à Mary, elle n'était pas même la fille du docteur. Non seulement elle n'avait pas de fortune, mais elle était encore sans nom, orpheline, plus qu'orpheline, sans parents avoués. N'était-il pas extraordinaire qu'avec ses idées si exaltées sur la naissance, le docteur Thorne parla aussi froidement d'un projet de mariage entre l'héritier de Greshamsbury et la fille illégitime de son frère ? « Mais docteur, » répéta M. Gresham, « mon cher squire, je sais tout ce que vous voudriez me dire, tout ce que vous pensez, mais vous craignez de me faire de la peine en faisant allusion à la naissance de Marie. » « Mais, indépendamment de cela, de quoi vivrait-il ? » reprit vivement le squire. « La naissance est une chose très importante. Nous avons à cet égard les mêmes opinions, je le sais. Ainsi, nous n'en parlerons pas. Vous êtes aussi fier d'Eula Thorne que je le suis de Greshamsbury. » « Il se pourrait, si Eula Thorne m'appartenait. » « Vous l'êtes quand même. Il est inutile d'arguer sur ce point. » « Mais cette question mise de côté, je le répète, de quoi vivrait-il ? S'il se mariait, que ferait-il ? Où irait-il ? Vous connaissez la façon de penser de Lady Arabella. Il ne serait pas possible qu'il vécusse au manoir avec elle. D'ailleurs, quelle vie serait-ce pour eux ?» Et le squire regarda le docteur, comme s'il eût attendu sa réponse. Mais celui-ci gardant le silence, M. Gresham se vit obligé de continuer son raisonnement. « Après ma mort, il restera, j'espère, quelque chose pour le pauvre garçon. Lady Arabella et mes filles seront peut-être un peu moins gênées qu'à présent, et je me prends quelquefois à désirer pour Franck que ce moment arrive bientôt. » Le docteur ne pouvait rester impassible. Il déclara que, de tous les événements, ce serait celui-là que Franck éloignerait le plus de ses vœux. « Je ne connais pas de fils, ajouta-t-il, qui aime plus sincèrement son père. » « Je le crois, dit le squire. Cependant, je ne puis m'empêcher de trouver que je suis de trop pour lui. » « Non, squire, non, vous n'êtes de trop pour personne. Vous serez encore heureux avec votre fils, vous serez encore fier de lui et fier de sa femme aussi. Je l'espère, je le crois, sans cela je ne le dirai pas. Oui, squire, nous passerons encore d'heureux jours ensemble, quand nous reparlerons de tout cela devant le feu de la salle à manger de Greshamsbury. » Le squire ne voyait dans les consolations que lui offrait le docteur qu'une preuve de son amitié. Mais il ne pouvait pas comprendre, et il jugea inutile de s'en enquérir sur quelle base reposaient ses belles espérances. Il était nécessaire de revenir au sujet qu'il avait amené chez son ami. Le docteur voulait-il l'aider à empêcher ce mariage ? Telle était, pour le moment, la seule chose qu'il eût en vue. Mais, docteur, pour en revenir à ces jeunes gens, vous voyez bien qu'ils ne peuvent se marier. Je ne le vois pas précisément. Il me semble cependant que vous devriez le comprendre. Comprendre quoi, Squire? Que dans leur position, ils ne devraient pas se marier. Ah, cela est une toute autre question. Je n'ai rien dit à propos de cela, ni à vous, ni à personne d'autre. Je ne me suis jamais mêlé de cette affaire et je ne désire nullement m'en mêler. Mais ne devriez-vous pas vous en mêler? Mary n'est-elle pas pour vous comme une fille? Le docteur était assez embarrassé. Il savait parfaitement que sa déclaration était en elle-même absurde. Mary ne pouvait pas se marier sans sa participation. Et si elle eût été en danger de faire un mauvais mariage, il eût certainement interposé son autorité. Il voulait simplement donner à entendre que pour le moment, il préférait s'abstenir d'exprimer son opinion. Il ne voulait pas se déclarer contre un mariage qui pouvait devenir très avantageux sous tous les rapports et, d'un autre côté, il ne pouvait paraître le favoriser sans donner ses raisons. Dans cette circonstance, il eût bien voulu ne rien dire du tout. Mais comme il fallait répondre à la question du Squire, il le fit en lui posant une autre. « Quelle est votre objection, Squire ?»« Mon objection ? Mais de grâce, de quoi vivrait-il ? » ?»« Alors j'en conclus que si cette difficulté était aplanie, vous ne refuseriez pas votre consentement. » « Mais elle ne peut être aplanie, docteur, vous le savez bien. Vous savez aussi combien il serait pénible pour nous de voir Frank se marier au-dessous de son rang. Je veux dire, du rang de sa famille. » « Vous ne devriez pas m'obliger à vous dire cela, docteur, car vous savez combien j'aime Mary. »« Mais, mon cher ami, il est nécessaire que je vous le dise. Il faut quelquefois ouvrir une blessure pour la guérir. Voici ce que j'entends, et je n'ai pas besoin d'ajouter que je compte sur une réponse franche. Si Mary Thorne était une riche héritière, si elle avait, par exemple, la fortune qu'on attribue à Miss Dunstable, vous opposeriez-vous à ce mariage ?» Quand le docteur avait déclaré qu'il s'attendait à une réponse franche, le squire avait prêté l'oreille, mais la question, une fois posée, lui parut n'avoir aucun rapport avec l'affaire dont il s'agissait. « Voyons, squire, parlez franchement. Il était question dans le temps du mariage de Frank avec Miss Dunstable. Aviez-vous l'intention de vous y opposer ?»« Miss Dunstable était une fille légitime, du moins je le suppose. »« Ah, monsieur Gresham, en êtes-vous venu là ?» Miss Dunstable eut donc satisfait vos principes sur la naissance. Le squire fut un peu embarrassé et regretta son allusion à la légitimité de Miss Dunstable. Il se remit cependant bientôt. « Non, dit-il, elle ne les eut pas satisfaits. Je suis disposé à admettre, comme je l'ai déjà fait auparavant, que les avantages indubitables qui résultent de la fortune compensent aux yeux du monde ce qui serait autrement une mésalliance. Mais vous l'admettez, n'est-ce pas? Vous convenez que telle est votre conviction à ce sujet? Oui, mais... » Le docteur ne voulut pas en entendre davantage. « Alors, Squire, je n'interviendrai pas dans cette affaire ni d'une manière ni d'une autre. »« De grâce, comment une semblable opinion peut-être... »« Je vous en prie, excusez-moi, monsieur Gresham, mais ma détermination est prise. »« Elle l'était presque déjà auparavant. Je ne ferai rien pour encourager Frank, mais je ne dirai rien non plus pour décourager Mary. » »« C'est une résolution bien singulière de la part d'un homme sensé comme vous. » « Il se peut, Squire, mais telle est ma résolution. »« Qu'est-ce que la fortune de Miss Dunstable a donc à faire dans tout cela ?»« Je ne dis pas qu'elle ait quelque chose à y faire, mais dans cette circonstance, je m'abstiendrai d'intervenir. » Le Squire insista inutilement encore, puis il partit excessivement dépité. La seule conclusion à laquelle il put arriver était que le docteur Thorne, trouvant la chance trop bonne pour pouvoir se décider à la rejeter, avait résolu d'adopter ce parti singulier. « Je n'en aurais jamais cru capable, alors même que tout le Barsetshire me l'aurait affirmé. » Se disait-il chemin faisant, il se retrouva dans sa chambre, se répétant encore « Non, alors même que tout le Barsetshire me l'aurait affirmé. » Il ne communiqua cependant pas à Lady Arabella le fâcheux résultat de sa visite.